إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans la lecture du livre Sharh Kitab Adab al-Mashi ila Salah. Et c'est le Sharh de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah. Et donc, Adab al-Mashi ila Salah, c'est un livre de fiqh écrit par le Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et c'est un résumé de fiqh très bénéfique. Et donc on est arrivé à la description de la salat, puis on est au tout début du sujet de la description de la salat. Donc on commence tout de suite, inshallah. Donc le Cheikh Mohammed, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, rahimahullah, قوله ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام إذا كبر الإمام فكبروا وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ويسر مأمون ومنفرد ويسر مأموم ومنفرد. Donc le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que c'est une sunna. Il dit, il est recommandé pour l'imam de dire le takbir à haute voix. C'est quelque chose qu'il yani, il doit dire le takbir à haute voix. Et c'est basé sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, faites le takbir après que l'imam ait fait le takbir. Yani lorsque l'imam a fait le takbir, vous faites le takbir après lui. إذا كبر الإمام فكبروا. C'est-à-dire lorsque l'imam a fait le takbir, vous aussi vous faites le takbir par la suite. Et وبالتسميع, c'est-à-dire le fait de dire سمي الله لمن حمده. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui il a dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida, c'est-à-dire Allah a entendu celui qui l'a loué, vous vous dites Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, et c'est à toi qu'appartient la gloire et la glorification. Tandis que le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, ou al-munfarid, c'est-à-dire celui qui prie seul, il le dit à voix basse. Il le dit le takbir, et il dit Rabbana wa lakal hamd à voix basse. Donc, Cheikh Abdul Muhsin, il explique cette partie. Il dit, parce qu'on a expliqué au dernier cours, au dernier cours, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué, juste pour faire un retour, un petit retour en arrière, on a expliqué Takbiratul Ihram à la fin, puis on a expliqué que la personne qui est derrière l'imam, elle récite de manière à ce que, yani, elle bouge ses lèvres et sa langue et elle récite, mais pas de manière à ce que on entende à haute voix. La personne qui est à côté de toi ne doit pas entendre qu'est-ce que tu récites. Tu récites en bougeant tes lèvres et ta langue. Qu'est-ce que tu dois réciter comme verset de Coran dans la salat, mais pas assez fort pour que la personne à côté de toi l'entende, pour que tu ne déranges pas la personne à côté de toi, puis que tu ne déranges pas non plus l'imam pendant qu'il est en train de réciter. Et ensuite, lorsqu'il a terminé de réciter Al-Fatiha et de réciter une autre sourate après, eh bien, il fait le takbir. Quand il se relève du takbir, ou quand il se relève du ruku', plutôt, il dit Sami Allahu liman hamida, et ceux qui sont derrière l'imam disent Rabbana wa lakal hamd. Et ceux qui sont derrière l'imam le répètent à voix basse. Le Cheikh Abdul Muhsin il dit yarfa'u al-imam sawtahu bi takbirat al-ihram wa takbirat al-intiqal wa at-tasmi' wa at-taslim ليتابعه المأمومون وأما المأمومون والمنفرد فيسرون بذلك. Donc il dit que l'imam il doit faire le takbiratul ihram à voix haute. L'imam il fait le premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram, il le fait à voix haute, et les autres takbirat on les appelle takbiratul intiqal, c'est-à-dire le takbir du déplacement, ou yani, du fait de se déplacer ou de changer de position, d'une position vers l'autre. Intaqala yantaqilu, intiqal, ça veut dire tu bouges, hein, tu changes, tu fais un déplacement. Donc par exemple, quand tu es debout et que tu vas faire le recours, tu fais takbiratul intiqal. Ok? Et quand tu es redressé, tu te redresses, tu dis Sami Allahu liman hamida. Quand tu es encore debout, avant de te prosterner, tu dis Allahu Akbar en te prosternant. Ça, c'est takbiratul intiqal encore. Ok? Donc, et tous les autres takbirat, les autres takbirs que tu fais, quand tu dis Allahu Akbar, eh bien, ça s'appelle tous des takbirs de intiqal. De même que at-tasmi', le fait de dire Sami' Allahu liman hamida, en raccourci on dit at-tasmi', comme Allahu Akbar, en raccourci on dit takbir. Et alhamdulillah on dit tahmid. Et par exemple, le fait de dire La ilaha illallah, on dit at-tahlil. Hein? Et donc il y a beaucoup de formules raccourcies de ces expressions-là qu'on utilise en arabe, au lieu de répéter l'expression au complet. Par exemple, quand on dit par exemple La hawla wa la quwwata illa billah, au lieu de répéter, quand on veut dire à quelqu'un, de dire La hawla wa la quwwata illa billah à chaque fois, on peut dire Al-hawqala. Naam. Et au lieu de dire au complet Bismillah, hein, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on dit Al-basmala. Hein? Et donc, ça, c'est des formules, des raccourcis ou des résumés de ces expressions. Et donc, at-tasmi', c'est le fait de dire Sami' Allahu liman hamida. Wa at-taslim, eh bien, c'est le fait de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, Tout ça, l'imam le dit à voix haute. Et le ma'moum, c'est celui qui suit l'imam. L'imam, c'est lui qui guide, et le ma'moum, c'est celui qui suit. Donc, l'imam, lui, il le dit à voix haute. Chaque mouvement, il fait le takbir à voix haute, et le tasmi' à voix haute, et le taslim à voix haute. Tandis que le ma'moum, lui, il suit l'imam, mais il ne le dit pas à voix haute. Des fois, il y a des gens derrière l'imam, en arrière de l'imam, ils répètent le takbir de l'imam à voix haute. C'est pas nécessaire de faire ça. Hein? C'est comme, par exemple, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans les grandes mosquées. Les grandes mosquées où c'est possible que la mosquée soit tellement grande que les gens qui sont en arrière, ils n'entendent pas le takbir de l'imam. Alors, il y a quelqu'un qui est là, qui va répéter à haute voix le takbir pour ceux qui sont en arrière. Ça c'est permis, mais pour dans ce genre d'exemple-là, mais que tout le monde en même temps répète le takbir à haute voix après derrière l'imam, non, ça c'est pas correct. Ils doivent répéter le takbir mais à voix basse en eux-mêmes, hein, à voix basse, c'est-à-dire pour que seulement eux-mêmes l'entendent. Et également lorsque la personne prie tout seule, elle le dit à voix basse, pas besoin de faire le takbir à haute voix fort. Et après le cheikh il dit وَيَأْتِي الْمَأْمُومُونَ يَأْتِي الْمَأْمُومُونَ بِالتَّحْمِيدِ دُونَ التَّسْمِيعِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. نعم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. Donc Cheikh Abdul Muhsin حفظه الله il dit ensuite que les ma'moumoun, c'est-à-dire ceux qui prient derrière l'imam, eh bien ils doivent également faire le tahmid. Donc ils doivent faire le tahmid et non pas le tasmi'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'imam il se relève du ruku', hein, lorsqu'il est incliné, il se relève, il dit Sami'allahu liman hamida. Et les gens qui sont derrière, eux, ils disent pas en se relevant Sami'allahu liman hamida. Ils se relèvent en disant Rabbana wa lakal hamd seulement. Ils disent pas Sami'allahu liman hamida comme l'imam. Et ça, c'est une position. Parce qu'il y a des ulama qui disent que même celui qui est derrière l'imam peut dire aussi Sami'allahu liman hamida. Toutefois, la position ou l'opinion qui est mentionnée par le Cheikh Abdul Muhsin, hafizahullah, elle est supportée par le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'imam a été placé comme imam uniquement pour qu'il soit suivi. Alors, lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir. Et lorsqu'il fait le recours, faites le recours. Et lorsqu'il dit Sami'allahu liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamd. Il n'a pas dit lorsqu'il dit Sami'allahu liman hamida, dites Sami'allahu liman hamida. Il n'a pas dit. Il a dit lorsque l'imam dit Sami'allahu liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamd. Et après il dit, et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Et lorsqu'il fait la salat assis, alors priez tous assis. Lorsqu'il fait la salat assis, c'est-à-dire lorsque l'imam prie assis, priez-vous, vous priez tous assis. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Et il y a un point qui est important à mentionner par rapport à cette question-là, et c'est une erreur que beaucoup de gens font, malheureusement, dans la salat, lorsqu'ils prient derrière l'imam. C'est que beaucoup de gens ont l'habitude de précéder l'imam ou de prier et de faire les mouvements en même temps que l'imam. D'accord? Donc les ulama, ils ont classé la façon de suivre l'imam. Ils ont montré, ils l'ont classifié comme en trois exemples par rapport à qu'est-ce qui est correct, puis par rapport à qu'est-ce qui est incorrect. Ils ont dit, qu'est-ce qui est correct, c'est de suivre l'imam. Et suivre l'imam, ça veut dire que tu fais ce que l'imam fait après que l'imam est terminé. Tu commences à faire ce que l'imam fait après que l'imam est terminé de faire son mouvement. Tu ne vas pas précéder l'imam, c'est-à-dire le faire avant que lui commence à le faire, et tu ne vas pas non plus le faire en même temps que l'imam, c'est-à-dire de faire le mouvement ou le déplacement en même temps que l'imam est en train de le faire. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de musulmans font. C'est-à-dire que lorsque l'imam, par exemple, se prosterne, il s'incline ou il se penche pour commencer à se prosterner, automatiquement, les gens, eux aussi, commencent à s'incliner pour commencer à se prosterner, eux aussi. Et ça, c'est incorrect. Walaykum salam wa rahmatullah. Ça, c'est incorrect. Parce que les sahaba, ils ont, comme c'est rapporté par l'imam muslim, ils ont expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la salat et lorsqu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahabes, ils disent, on ne commençait pas à pencher notre dos jusqu'à ce que le front du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait touché le sol. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis son front sur le sol, à ce moment-là, ils commencent à pencher leur dos pour se prosterner. Mais qu'est-ce qu'on voit de la part de beaucoup de musulmans aujourd'hui? C'est pas ça. C'est que aussitôt que l'imam commence à s'incliner juste légèrement pour commencer à descendre, pour se prosterner, eux, ils descendent en même temps que lui. Et ça, ça fait partie des choses interdites. T'as pas le droit de précéder l'imam et t'as pas le droit non plus de faire en même temps que l'imam. Tu dois attendre que l'imam et terminer son mouvement pour commencer à le suivre. Et ça, c'est très très important aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a menacé les gens qui devancent l'imam. Craignez-vous pas que Allah vous change vos têtes en des têtes d'âne, du fait que vous précédiez l'imam. Non, donc ça c'est un exemple aussi à ce sujet-là. Il dit وَقَوْلُهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْ الْأَصَابِعِ مَضْمُومَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِبُطُونِهِمَا الْقِبْلَةِ إلَى حَذْرِ مَنْكِبَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ إلَى نعم ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. Donc qu'est-ce qu'il explique ici le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il dit tu relèves tes mains quand tu commences à faire quand tu fais le takbir de al-intiqal, tu lèves tes mains en même temps. Et tu lèves tes mains avec tes doigts, et tes doigts, les uns à côté des autres, collés. Et ta paume, la paume de tes mains faisant face à la Qibla. Et tes mains à la hauteur de tes épaules. Dans certaines narrations, dans les hadiths, ça mentionne de lever les mains jusqu'aux oreilles, et d'autres narrations jusqu'aux épaules. Les deux, c'est correct. Mais ici, le cheikh, il dit juste de l'élever aux épaules s'il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'excuse, c'est-à-dire de faire autrement. C'est-à-dire, si tu as une excuse de pas être capable de l'élever, tu es excusé. Mais sinon, tu l'élèves. Ça, c'est la sunna. Et il dit que lorsqu'on les relève comme ça, c'est pour indiquer qu'on soulève ou qu'on on retire le voile entre nous-mêmes et Allah. Et il dit de la même manière que le doigt, quand on pointe avec le doigt, c'est pour indiquer l'unicité d'Allah. Eh bien, c'est la même chose quand on lève les mains comme ça, c'est comme si pour dire on soulève le voile ou on enlève le voile entre nous et notre Seigneur. Ça, c'est une interprétation ou une explication. Une fois, j'ai entendu un cheikh qui disait que lorsqu'on lève les mains comme ça, dans la salat, c'est pour dire, yani, je me rends, je me soumets à Allah. Hein? Donc ça, c'est une explication que le cheikh a donnée. Il n'a pas mentionné de référence par rapport à cette explication-là. Mais toutefois, yani, c'est une signification peut-être qu'il a entendue de la part des ulama comme ça. Donc le cheikh, il mentionne par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, deux points. شيخ عبد المحسن الدي أولا يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر وأخرجه عنه مسلم في المواضع الثلاثة. Donc le cheikh explique que la personne qui fait la salat, elle doit lever ses mains au moment où elle fait takbiratul ihram, donc au début de la salat, et à chaque fois qu'elle va faire le recours, et quand elle se relève du recours, et lorsqu'elle se relève du premier tashahud, elle relève ses mains. Ça, c'est les endroits dans lesquels il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains dans la salat. Et c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Omar, et c'est rapporté également selon Abdullah ibn Omar par l'imam Muslim dans les trois endroits ou les trois moments mentionnés. Il dit « ويكون رفع اليدين إلى محادث المنكبين لحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم وله أن يرفعهما إلى محادث الأذنين لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرجه مسلم. » Donc le deuxième point que le cheikh Abdul Muhsin il mentionne, c'est que la personne qui fait la salat, elle lève ses mains au niveau des épaules. Et ça, c'est basé sur le hadith de Ibn Omar qui est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim. Par Al-Bukhari et Muslim, qui les lève jusqu'à ses épaules. Et comme je disais tout à l'heure, il peut également les lever jusqu'à ses oreilles, la hauteur des oreilles. Et ça, c'est rapporté selon Malik ibn al-Hawairith par l'imam muslim. Donc le cheikh il dit وقوله ثم يقبض كوعه الايسر بكفه الايمن ويجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي ربه. اي نعم. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ici, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que la personne, elle doit prendre son poignet avec sa main droite, elle prend son poignet gauche. Hein? Donc elle met sa main droite sur sa main gauche et elle tient son poignet. son poignet droit, son poignet gauche, avec sa main, sa main droite. Et il dit ici, il la place en dessous, il les place tous les deux en dessous de son nombril. Et il dit que la signification de cette position-là, c'est-à-dire que la personne s'est humiliée. Elle fait preuve d'humilité devant Allah, son Seigneur. Donc on va voir à ce sujet-là la clarification. Qu'est-ce que la Sunna dit à ce sujet-là ? Cheikh Abdul Muhsin, il va clarifier ça. Et c'est un point important parce que au sujet de la position des mains, lorsqu'on est debout, il y a divergence parfois entre les ulama, et on constate ça parmi les musulmans lorsqu'on va dans les mosquées. On voit que parfois les musulmans ne placent pas toujours leurs mains aux mêmes endroits. Donc, qu'est-ce que la sunna authentique dit à ce sujet ? Donc le cheikh il va clarifier certains de ces points-là. Le premier point, il dit as-sunna wad'u al-musalli yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ja'a dhalika fi sahih Muslim wa sunan an-Nasa'i min hadith Wa'il ibn Hijr radiyallahu anhu. Donc la sunna par rapport à la façon de placer les mains, premièrement, c'est de que la personne qui prie, elle met sa main droite sur sa main gauche. Donc ça, c'est la première chose. Main droite sur la main gauche. Et ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim et dans Sunan al-Nasa'i. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Wa'il ibn Hijr, radiyallahu anhu. Ensuite, il dit, « وَفِي صَحِيحَ الْبُخَارِي عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ anhu قَالْ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذه الصيغة لها حكم الرفع وهي مثل قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذ الآمر الناهي لهم Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih selon Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu qui a dit nous étions ordonnés de mettre c'est-à-dire l'homme était ordonné on était ordonné de mettre la main droite sur son bras gauche dans la salat. Et quand les sahaba disent nous étions ordonnés, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire telle ou telle chose, ça c'est comme si c'était attribué directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba quand ils disent nous étions ordonnés ou nous faisions telle chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que celui qui leur ordonnait de le faire, c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va dire à propos de ce hadith qu'il est marfou. Ok? Et c'est la même chose pour le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle dit, nous étions ordonnés, c'est-à-dire les femmes, de reprendre le jeûne, mais nous n'étions pas ordonnés de reprendre la salat. C'est-à-dire, lorsqu'elles avaient leur période de menstruation. Et c'est un hadith qui a le verdict d'être marfou, c'est-à-dire que c'est une parole attribuée, un ordre attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui leur ordonne, qui leur interdisait de faire ces choses-là, c'était le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. Naam. Donc il dit que ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawood et An-Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est bonne, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et qu'il dit qu'il priait en mettant la main gauche sur la main droite comme ça. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et il lui a mis la main droite sur la main gauche. أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال الحافظ في الفتح قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. Donc qu'est-ce qui est rapporté ici? C'est la parole de Al-Hafiz Ibn Hajar dans Fath al-Bari, volume 2 à la page 224. Il dit que l'imam Ibn Abd al-Barr et l'imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi, al-Qurtubi, c'était un des grands savants de l'Andalousie, un savant maliki, même si certains disent qu'il était Shafi'i, mais Wallahu a'lam, d'après ce que j'ai lu, c'était un maliki. Et il a écrit des livres pour expliquer al-muwatta de l'imam Malik. Il a écrit al-tamhid, qui est une explication de al-muwatta. Et il a écrit al-istidhkar aussi. Donc, il a clarifié, il a expliqué les positions de l'imam Malik. Dans son livre, il a expliqué les hadiths de la Muwatta. Donc Ibn Abd al-Barr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune divergence au sujet de mettre la main droite sur la main gauche dans la salat. Parce que comme tout à l'heure je vous mentionnais qu'il y a certaines divergences entre qu'est-ce que les musulmans font dans la prière par rapport à la façon dont ils placent leurs mains. Premièrement, il y a la façon de placer les mains, c'est-à-dire, il y en a qui lient, comme par exemple, ceux qui placent les mains le long du corps. Vous allez trouver, ceux qui font ça, c'est les gens de l'Afrique du Nord, en général, parce que ce sont des malikis. Et dans le madhhab al-maliki, ils ont rapporté cette position-là, de mettre les mains le long du corps. Et donc si tu vas en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, tu trouves que dans plusieurs mosquées, les musulmans prient tous les bras le long du corps. Cette position de mettre les bras le long du corps, on appelle al-irsal, irsal al-yadayn, hein, de les laisser tomber. Et aussi, donc vous retrouvez aussi le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Puis, une fois qu'on dit, bon, la main droite sur la main gauche, maintenant il y en a qui divergent. D'accord, on met la main droite sur la main gauche, mais où est-ce qu'on les place? Il y en a qui disent on les place sur la poitrine. D'autres, en haut du nombril. D'autres, ils les placent en dessous du nombril. Et ceux qui les mettent en dessous du nombril, en général, c'est les Ahnaf. Les gens qui suivent le madhab al-Hanafi. D'accord. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, il explique, il dit que en réalité, il n'y a rien qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de divergent au sujet du fait qu'il mettait la main droite sur la main gauche dans la salat. Et ça c'est la parole de la majorité des sahaba et des tabi'in. Il dit, et c'est ça ce que l'imam Malik a rapporté lui-même dans Al-Muwatta. le hadith de mettre la main droite sur la main gauche dans la salat, c'est rapporté par l'imam Malik lui-même dans Al-Muwatta. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. C'est-à-dire que Ibn al-Munzir et d'autres qui ont rapporté la Muwatta, ils n'ont pas mentionné autre opinion que celle-là de l'imam Malik. Et il dit, il a été rapporté par Ibn al-Qasim, selon Malik, al-Irsal. Al-Irsal, c'est-à-dire de laisser les mains sur le côté du corps. Et la plupart des gens l'ont suivi. Ont suivi cette position-là. La plupart de ses compagnons l'ont suivi, et c'est de là qu'est venu, par la suite, le fait de dire la distinction entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire. Il y en a qui disent, tu peux le faire dans la prière surérogatoire, laisser tes mains sur le côté, et dans, il y en a d'autres qui disent non. Donc, ça c'est par rapport à la question de l'Irsal. Puis aussi, il y a parmi ceux qui font ça, l'Irsal, il y a les Rafidah, les Shia. Rafidah, eux aussi, en Iran et ailleurs, ils prient les mains le côté du corps. Et ils croient même que c'est interdit de prier les mains sur la poitrine ou la main droite sur la main gauche dans la salat. D'après ce que j'avais lu, même ils considèrent même que ça annule la salat. Peut-être que certains d'entre eux vont le faire pour taqiyya, comme pour se cacher, pour pas faire savoir qu'ils sont shi'a rafida. Donc ils vont peut-être faire comme les gens de la sunna. Mais sinon, les rafida, ils laissent toujours leurs mains sur le côté. Donc ça, c'est une des choses qui les distingue des gens de la sunna. Et ensuite, la deuxième chose que le cheikh Abdul Muhsin il a rapporté, il dit « وَوَضْعُ الْيَدْ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ يَكُونُ بِوَضْعِهَا عَلَى الْكَفْ وَالْرُسْرَ وَالسَّاعِدْ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنُ حِجْرِ عَنِ النَّسَائِ. Donc, le cheikh explique que le fait de mettre la main droite sur la main gauche, il dit, c'est soit jusqu'au poignet, de mettre la main sur le poignet ou sur l'avant-bras. Hein? De tenir la main droite, de tenir le poignet avec la main droite, tenir le poignet gauche avec la main droite, ou le bras, hein? L'avant-bras. Droit, l'avant-bras gauche avec la main droite. Donc ça, c'est les choses qui, c'est qu'est-ce qui a été rapporté authentiquement dans le hadith de Wa'id ibn Hijr, selon par An-Nasa'i, l'imam An-Nasa'i, il rapporte ça. Après, ensuite, il dit: Wa mawdi'u al-yadayn min al-jasad 'ala al-sadr. جاء في حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة والبيهقي في سننه وحديث هلب الطائي عند أحمد في المسند ومرسل طاووس عند أبي داود في سننه وهي يقوي بعضها بعضا. Donc c'est ça la position, où est-ce qu'on met les mains dans la salat, par rapport au corps, on les place sur la poitrine, pas en dessous du nombril, contrairement à ce que le cheikh l'imam a rapporté dans le texte de Adab al-Mashi la salat. La position correcte, c'est que tu mets tes deux mains, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Comme c'est rapporté dans le hadith de Wa'il, dans Sahih ibn Khuzayma et dans Sunan de Al-Bayhaqi, et c'est dans le hadith de Halab al-Ta'i dans la Musnad de l'imam Ahmad, et il est rapporté également la parole de Tawus, un des tabi'in à ce sujet-là, dans le Sunan de l'imam Abi Daoud, et toutes ces narrations-là se renforcent l'une l'autre. Après, il dit que Al-Hafiz ibn Hajar, il clarifie ça. Il dit قال الحافظ ابن حجر ولم يذكر يعني البخاري أيضا محلهما من الجسد وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار عند صدره وعند أحمد في حديث هلب هلب سي هلب نعم هلب الطائي إلى دي لا ميم شوز وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف دونك إلى دي الإمام ابن حجر ك الإمام البخاري n'a pas mentionné à quel endroit du corps on doit placer les deux mains mais Ibn Khuzayma, il mentionne le hadith de Wa'il et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a posé ses mains sur la poitrine. Et Al-Bazzar, il dit au niveau de la poitrine. Et l'imam Ahmed, il rapporte le hadith de Hulb al-Ta'i qui dit la même chose. Et il y a des ajouts dans la Musnad des hadiths de Ali radiyallahu anhu qui prétend que il les mettait ses deux mains sous le nombril et c'est une isnad qui est faible. La narration qui dit que on doit mettre les mains sous le nombril qui est rapporté selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit ça c'est une position qui est faible. Le hadith il n'est pas authentique. Il dit ensuite فقد سكت عن حديث وائل وهلب وضعف حديث علي وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري في باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة وأما وضع اليدين تحت السرة فقد جاء في سنن أبي داود من حديث علي وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف. Donc الشيخ عبد المحسن il dit que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani il n'a pas mentionné rien à propos du hadith de Wa'il et de Hulb et il a déclaré faible le hadith de Ali. Et il dit, si tu veux les détails de cette question, regarde dans l'explication de Sunan al-Tirmidhi, qui s'intitule Tuhfatul Ahwadi, qui est écrit par Al-Mubarak Furi, Sheikh Al-Mubarak Furi. Et dans le chapitre, ce qui a été rapporté au sujet de mettre la main droite sur la main gauche dans la salat. Le volume 2 à la page 72. Il dit en ce qui concerne de mettre les deux mains sous le nombril, eh bien il dit ça c'est rapporté, ça a été rapporté dans Sunan Abi Dawud, le hadith 756, et c'est un hadith qui est rapporté selon Ali, radiyallahu anhu. Et dans sa chaîne de transmission, dans l'isnad, il y a un individu qui s'appelle Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi. Et cette personne est daïf. Cette personne, ce narrateur, il est daïf. Et donc on ne peut pas prendre le hadith qui mentionne de mettre les mains en dessous du nombril. Donc la position des Ahnaf, elle est faible. La position des Ahnaf, elle est faible. Il dit ensuite comme point numéro 4 وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ هَيْئَةَ ذُلٍ وَخُدُوعٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ شُرِعَتْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ تُشْرَعْ فِي غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا أَمَامَ أَحَدٍ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَلَا عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِأَنَّهَا لَمْ تَرِدْ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ. Donc le cheikh il dit que le fait de mettre la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, c'est une position d'humilité hein, de se rabaisser devant Allah. Et elle n'a pas été légiférée cette position autre que dans la salat. Donc tu peux pas la faire en dehors de la salat, cette position. Tu peux pas la faire devant quelqu'un d'autre parmi les êtres vivants, et tu peux pas non plus la faire lorsque tu vas visiter une tombe. Contrairement à ce que font des soufis qui se placent comme ça parfois devant leur cheikh, hein, ou devant la tombe, et puis même ils s'inclinent et des choses de ce genre. Donc ça c'est interdit. Et il dit que cette position n'a pas été rapportée dans aucun contexte autre que dans celui de la salat. Et il dit que قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر قال في الفتح قال العلماء الحكمة في هذه الأيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Hajar il rapporte dans le volume 2 à la page 224 que les ulama ont dit que la sagesse de se mettre dans cette position, de mettre la main droite sur la main gauche sur la poitrine, c'est la description de la personne qui demande avec humilité, qui se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une position qui empêche la personne de yani jouer avec ses mains ou yani faire n'importe quoi, des gestes qui le distraient de sa salat ou des choses comme ça, et c'est plus près de la concentration dans la prière. Et donc il dit, et ça c'est comme si l'imam al-Bukhari avait remarqué cela, et c'est pour ça qu'il l'a fait suivre par le chapitre de al-Khushu', c'est-à-dire l'humilité et la concentration dans la salat. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ce sujet la semaine prochaine, Inch'Allah, dimanche prochain. Naam, bismillah. Et donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et étant donné que hier on n'avait pas fait le cours de Al-Usul Salata, j'étais pas bien hier malheureusement, donc on va le faire.